إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on reprend donc cette session inshallah qui est le cours numéro 4 dans la lecture du livre au sujet de Ijma' al-ulama fi al-hajri wa al-tahdhir min ahli al-ahwa, le consensus des savants au sujet de la mise en garde au sujet du fait de s'écarter des gens de bid'a et de mettre en garde contre eux. Et là, on est arrivé au deuxième point, au deuxième chapitre dans le livre. Et le deuxième chapitre, c'est au sujet de la dureté envers les gens de bid'a et du fait que ça, c'est une qualité. Et ce n'est pas un blâme, ce n'est pas un défaut chez un alim qu'on dise de lui qu'il est dur envers les gens de bid'a. D'accord? Contrairement à ce que certaines personnes s'imagine aujourd'hui. Donc le cheikh il dit, une des choses qui distingue et qui caractérise les salaf as-salih, les pieux prédécesseurs parmi les sahaba, les tabi'in et les tabi'in et ceux qui les ont suivis parmi les ulama qui sont venus par la suite dans leur aqida et dans leur manhaj, une des choses qui les caractérise, c'est leur façon d'agir avec les gens de bid'a, puisqu'ils agissent avec les gens de bid'a avec la dureté. Et ils considéraient cette dureté-là envers les gens de la passion et les gens de la bid'a comme faisant partie des éloges, des choses qui sont des sources de l'éloge et qui font partie des caractéristiques positives et des choses qui sont considérées comme étant des qualités chez ces hommes lorsqu'on parlait d'eux. Donc, vous allez voir dans les exemples qu'on va mentionner que lorsqu'il voulait glorifier un savant et parler de lui en bien et qu'il mentionnait quelque chose au sujet de sa biographie, eh bien, il disait par exemple, il parlait par exemple en disant un tel, c'est un imam, hein, un siqa, un fiable, wara, il était pieux, il était quelqu'un qui s'écartait des choses douteuses dans qu'est-ce qui a rapport avec les choses de la vie et de la religion. Et il mentionne de lui wa kana shadidan ala ahli al-bid'a, et il était dur avec les gens de bid'a, comme si pour mentionner on énumère ses qualités et parmi ces qualités là il mentionne le fait qu'il était dur envers les gens de bid'a pour lui faire son éloge, en fait pour dire du bien de lui. Donc c'était pas quelque chose qui était vu comme étant un défaut, hein, puisque si c'était un défaut, il ne l'aurait pas énuméré parmi les qualités des ulama, hein, et il ne l'aurait pas dit dans ce contexte-là non plus. Donc, le cheikh, il dit, combien d'imams, parmi les imams de la sunna, quand on lit leur biographie, on voit les éloges qui sont mentionnés en disant de leur part qu'ils étaient sévères dans la sunna et qu'ils étaient durs envers les gens de bid'ah. Et la raison de cette dureté qu'ils avaient, c'était la cause la chose qui était à l'origine de cette dureté qu'ils avaient envers les gens de bid'a, c'était à cause de l'amour qu'ils avaient pour l'islam et pour la sunna, de la jalousie et de vouloir défendre l'honneur de cette religion. Hein? Comme on dit en arabe, al-ghira, hein? Et al-hamiya. Donc ils avaient ces qualités-là, ils avaient ces caractéristiques-là envers la religion. Ils veulent la défendre, ils sont jaloux pour elle. Ils ont ce sens de l'honneur pour cette religion, et de vouloir défendre son honneur lorsque son honneur est atteinte. Ensuite, il dit, et également il le faisait par nasiha, c'est-à-dire par sincérité envers Allah, envers son messager, envers les imams des musulmans et envers les musulmans en général. Donc c'était par sincérité et pour le bon conseil aussi, et pour le bien des musulmans. Ensuite, le cheikh il dit, de la même manière que l'imam Ibn al-Jawzi, comme on l'a lu dans les cours précédents, on a mentionné cet exemple, à propos de l'imam Ahmad, que l'imam Ahmad ibn Hanbal, hein, qui est un parmi les quatre grands imams auxquels on a attribué un madhhab qui est suivi jusqu'à aujourd'hui parmi les madhhabs de Ahl-Sunnah ou al-Jama'a, le madhhab al-Hanbali, eh bien, l'imam de ce madhhab, celui qu'on appelle l'imam de la Sunnah, l'imam des gens de la Sunnah, imam ou Ahl-Sunnah, on l'appelle Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, eh bien, il dit de lui qu'il était dur, hein, dans la sunna, il était sévère dans la sunna, et à cause de cette dureté qu'il avait dans la façon de s'accrocher à la sunna, et de l'interdiction qu'il avait déjà vis-à-vis des bid'ah, du fait qu'il interdisait la bid'ah, et qu'il parlait contre les groupes et les individus qui appelaient à la bid'ah, et donc ça fait partie des exemples qui montrent, hein, que la raison pour laquelle il faisait ça, parce qu'il le dit, le cheikh, il dit, toute personne de qui il voyait quelque chose qui contredisait la sunna, même parmi les meilleurs d'entre les musulmans à l'époque, même si c'était des savants, même si c'était des adorateurs, des gens pieux, s'il voyait d'eux quelque chose qui oppose la sunna dans la aqida et dans le manhaj, eh bien, il parlait contre cette personne. Il parlait contre cette personne. Et ça a été pris dans le sens de la nasiha pour la religion. C'est-à-dire que c'était compris du fait qu'il disait ou il faisait ça dans le but de donner le bon conseil aux musulmans vis-à-vis de la religion. Souvent aujourd'hui, c'est ça. Les gens, ils pensent que quand on veut donner la nasiha, quand on parle de donner la nasiha ou de donner le bon conseil aux musulmans, ils pensent que c'est par rapport seulement au fait de donner le conseil à la personne qui fait l'erreur. C'est-à-dire que s'il y a un innovateur ou quelqu'un qui a fait une erreur ou un égarement dans la croyance ou dans la religion, eux, ils s'imaginent que quand on donne la nasiha, c'est seulement pour cette personne qui a fait l'erreur qu'on doit aller le voir lui, puis lui mentionner cette erreur-là, et puis attendre qu'il se corrige lui-même. Et ça, c'est pas le cas, c'est pas la signification de la nasiha dont on parle. Puisque la nasiha, c'est beaucoup plus large que ça. La nasiha, c'est pas seulement pour la personne qui fait l'erreur elle-même. Parce que si cette personne, elle a fait cette erreur, puis qu'il l'a propagée et diffusée, c'est-à-dire qu'il a écrit un livre, puis dans ce livre-là, il y a de l'égarement. Eh bien, ce livre-là, il a été diffusé et vendu dans les librairies, et les gens l'ont acheté et ils le lisent. Donc, c'est quelque chose qui est devenu public. Si l'erreur qu'il a faite, il l'a écrit dans un article de journal, et que le journal a été publié et diffusé partout, les gens ont lu cette erreur-là, ils risquent de s'égarer à cause de ça. Ou bien dans une cassette audio qu'il a faite, ou un fichier audio qu'il a diffusé sur Internet, ou dans une khutbah qu'il a fait dans une mosquée, hein, ou un discours qu'il a donné dans une conférence. Les gens ont entendu ces erreurs-là et ces égarements-là, et ils ont été affectés par cette erreur-là. Peut-être qu'ils vont s'égarer à cause de ça. Et donc, la nasiha, c'est pas seulement de la faire à la personne elle-même qui a fait l'erreur, mais la nasiha, c'est de donner à tous les musulmans, de façon publique, de la même manière que l'erreur a été faite en public, dans le but de corriger cette erreur-là et d'avertir les musulmans contre celle-ci pour qu'ils ne tombent pas dedans et pour qu'ils soient avertis. Et ça, en faisant ça, non seulement c'est un bien pour les musulmans, et c'est un bien pour la personne qui a fait l'erreur elle-même, comme on l'a lu dans le cours précédent au sujet de cet imam parmi les salafs qui disait « Je suis meilleur pour eux que leur père et leur mère. J'empêche les gens de les suivre dans les choses qu'ils ont innovées dans la religion. Hein? » Et celui qui leur font des éloges leur fait plus de tort Donc c'est pour dire que la personne qui met en garde contre ses erreurs et contre ses égarements de cette personne, eh bien, il lui fait un bien. Et ça, ça fait partie de la nasiha aussi. Donc la nasiha, c'est pour les musulmans, pour qu'ils ne soient pas égarés et pour qu'ils soient protégés dans leur religion, pas seulement pour la personne qui a fait l'erreur. Si la personne qui a fait l'erreur réalise qu'elle a fait l'erreur puis qu'elle se corrige d'elle-même par la suite, ça c'est l'idéal, hein, ça c'est le bien. Mais si elle ne le fait pas, est-ce qu'on va dire, bon, vu qu'elle ne se corrige pas, ça y est, on se tait, on ne parle plus, hein? Non, au contraire, on continue, hein, de clarifier et d'expliquer et de mettre en garde et d'avertir contre l'erreur et contre la personne. Et jusqu'à ce que la personne, elle, revienne, si elle revient par la suite et qu'elle s'est corrigée, là, dans ce cas-là, c'est alhamdoulilah, hein, c'est correct. Mais on a vu que dans certains exemples, les salafs, quand ils ont vu un individu qui a fait une erreur et ils ont écrit un livre, par exemple, pour le réfuter ou pour répondre à son erreur, même après que la personne s'est corrigée. C'est-à-dire, supposons qu'il y a un savant qui a écrit un livre et dedans il y a une erreur et où il a dit une parole qui était fausse, incorrecte ou un égarement, et que par la suite il est revenu sur cette erreur-là. On a vu dans l'exemple des ulama qui ont écrit, malgré que la personne est revenue, qui ont écrit un livre pour réfuter l'erreur. Et quand on leur a demandé pourquoi ils ont écrit ce livre, étant donné que la personne s'est déjà corrigée, elle est revenue sur son erreur, eh bien ils ont dit, il est revenu sur son erreur, ça c'est bien, mais son livre, il est encore propagé et diffusé parmi les musulmans. Et si on n'a pas répondu et réfuté ces erreurs-là, les gens vont continuer à les propager, à les diffuser. Donc la réponse et la réfutation doit être, hein, diffusée elle aussi. Et ça, c'est pas pour rabaisser ou insulter ce savant-là, hein, ou pour lui faire du tort, mais c'est au contraire, c'est pour son bien et pour le bien des musulmans et pour le bien de la Ummah. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de comprendre. Et aussi, bien entendu, il y aura toujours une différence aussi dans la façon de réfuter la personne selon ce qu'il est lui-même et selon sa position. Si c'est un savant qui est salafi, qui est sur la sunna et qui a fait une erreur, la réfutation et la façon de le réfuter ne sera pas la même que la réfutation d'un égaré qui est connu comme étant un innovateur, un mubtadi'. Là, les savants vont être plus doux, hein, et plus respectueux envers un savant qui est parmi les gens de la sunna, qui a fait une erreur, qu'il le réfute ou qu'il le corrige. Il le corrige avec douceur et avec respect, parce que c'est un savant de la sunna. Mais si c'est un individu qui est connu comme étant un égaré et un innovateur qui oppose la sunna avec acharnement, ils n'auront aucune pitié avec lui et ils vont le réfuter et le dénigrer et le rabaisser pour mettre en garde contre son égarement. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Et également un autre point avant de continuer, qu'est-ce que les ulama ont dit à propos des gens de bid'ah? Il y a une différence entre le mubtadi' qui est un da'ya et le mubtadi' qui n'est pas un da'ya. C'est-à-dire, le mubtadi', celui qui fait une bid'ah, qui appelle les autres à suivre cette bid'ah et qui invite les autres à faire cette bid'ah, celui-là, c'est lui, hein, le plus dangereux. Et c'est contre lui que les gens de ilm ont donné tous les avertissements et les mises en garde, hein, et qu'ils ont averti. Tandis que le mubtadi' qui cache sa bid'ah, qui la garde que pour lui et qui n'en parle à personne et qui n'invite personne à le suivre dans cette bid'ah-là, il ne le traite pas de la même manière. Hein? Et aussi la même chose pour, disons, un musulman parmi les communs d'entre les musulmans qui n'a pas de connaissance de l'islam et qui fait une bid'ah par imitation. C'est-à-dire, il a vu des gens faire quelque chose, il a pensé que c'était bon et il l'a fait, mais il ne sait pas que c'est une bid'ah. Lui, on ne le décrit pas comme étant un mubtadi', hein, jusqu'à temps que on lui ait établi la preuve, puis qu'on lui clarifie que c'est une bid'ah, puis que par la suite il persiste à vouloir suivre cette chose-là, là, il sera classé comme parmi les innovateurs, mais pas avant, hein. Et ou bien si c'est quelqu'un qui, par exemple, il est ignorant, il savait pas. Donc celui-là, c'est pas la même chose. Et quand on va lui donner la nasiha, on lui donne avec la douceur, on va lui parler et on va lui expliquer les choses doucement. Mais la dureté, c'est envers ceux qui appellent à la bid'a et qui font la bid'a et qui savent, parce qu'on les a avertis, on les a mis en garde, et ils appellent à cette innovation-là ou à cette bid'a, ou des gens qui sont dans des groupes et dans des organisations de bid'a et qui supportent et défendent ces bid'a-là avec toute leur énergie. Et que quand on les avertit ou qu'on les met en garde contre ces groupes-là ou contre ces individus-là, ils commencent à les défendre avec arrogance, et bien ceux-là, ils sont eux aussi parmi les gens de bid'ah, ça y a pas de doute. Donc, ça c'est l'introduction par rapport à ça, pour faire comprendre c'est quoi l'objectif, c'est quoi le but de cette dureté-là. Est-ce que c'est juste être dur pour être dur? Non, c'est une dureté qui vient dans le but de d'établir la nasiha pour les musulmans, et par amour et par jalousie et par le sens de l'honneur pour défendre cette religion. Ensuite, le cheikh il dit, mais malheureusement, Allah al-Musta'an, on voit que les références des gens en ce qui concerne la balance qu'ils utilisent pour juger entre les gens, pour savoir qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas correct, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, on voit que ces balances-là ont changé. Les gens, ils ne jugent plus les choses comme les salafs les jugeaient à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens savaient que être dur envers les gens de bid'ah, c'est quelque chose de bien. Aujourd'hui, les gens voient ça à l'envers. Pour eux, si quelqu'un est dur, ils voient ça comme étant un mal, comme si c'était quelque chose de mauvais. Donc, les balances ont été renversées. Et les compréhensions ont changé. Et maintenant, les gens voient que la douceur envers les gens de bid'ah, c'est ce qui est exigé. Comme s'ils pensent que la douceur, c'est ça qu'il faut avoir envers les gens de bid'ah. Même parfois, ils considèrent que c'est ça qui est obligatoire. Et qu'est-ce qui est incroyable, c'est que, subhanallah, même les gens de bid'ah, lorsqu'ils connaissent des gens qui sont sur la sunna et qui suivent la sunna, et qu'ils voient que ces gens-là qui sont sur la sunna et sur la salafia refusent de les écouter ou de les suivre, tu vois qu'ils deviennent durs avec les gens de la sunna. Au début, tu vas voir, par exemple, juste pour te donner un exemple, des gens de Tablir ou d'autres groupes de gens de bid'ah, quand ils ne te connaissent pas et te voient pour la première fois, ils te voient sur la sunna. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser à lui, on va l'amener avec nous. Ils viennent avec la douceur, le sourire, ils veulent t'attirer. Quand ils voient que tu ne veux pas les écouter, que tu ne vas pas avec eux, là ils commencent à changer, ils deviennent durs, ils deviennent méchants même, agressifs. Ils ne te donnent plus le salam, ils ne te regardent plus avec le sourire, ils ne veulent plus rien savoir de toi. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas suivre sa bid'a. Donc, eux, pourquoi ils nous blâment d'appliquer quelque chose que eux-mêmes sont en train d'appliquer, mais dans le faux? Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit, la dureté envers les gens de bid'ah, c'est une chose qui est devenue une des caractéristiques de certaines personnes qui sont très peu nombreuses à notre époque, et les gens les blâment. Cette fois-ci, les hommes de science et les étudiants qui étudient l'islam, qui étudient l'ilm, auraient agi envers les bid'a des gens de bid'a avec dureté, et qui les auraient repoussés comme il fallait, selon l'exemple des salafs, ces bid'a n'auraient pas pu prendre racine. Et elles auraient été complètement éliminées. Et elles ne se seraient pas propagées partout, par la suite dans les pays musulmans, là où vivent les gens de la sunna. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il dit, celui qui observe et qui médite sur la situation des prophètes et des messagers avec leur peuple, il va constater que ces prophètes et ces messagers établissaient le fait de condamner le mal et de dénoncer le mal et de combattre le mal. Et ils le faisaient de la façon la plus sérieuse. Ils ont fait ça toute leur vie jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont conseillé et enjoint à ceux qui ont cru parmi leur peuple d'ordonner le bien et d'interdire le mal à ceux qui contredisaient les prophètes. De condamner les actions de ceux qui contredisent les prophètes. Donc, le fait de réfuter les gens de bid'ah, de mettre en garde contre eux, de les boycotter, tout ça, ça fait partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Et donc, les prophètes et ceux qui les suivent, ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que ceux qui se détachent de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal selon les trois degrés, et bien ceux qui se détachent complètement de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal n'ont même pas un poids de graines de moutarde de foi. Dans le hadith, que si vous voyez le mal, vous le changez avec la main. Si vous pouvez pas, vous le changez avec le cœur, avec la langue. Si vous pouvez pas le changer avec la langue, vous le changez avec le cœur. Et ça, c'est le plus bas niveau de la foi. Et certains, parmi les, plutôt, il y a une autre narration qui mentionne que celui qui ne le change pas avec le cœur, il n'a même pas dans le cœur la graine d'un poids de moutarde, le poids d'une graine de moutarde de foi. فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. Donc, ils ont tous ordonné, les prophètes et ceux qui les ont suivis, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise même à ce sujet-là que si des gens laissent de côté ou délaissent l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, Allah subhanahu wa ta'ala risque de les envelopper de façon générale de son châtiment, d'un châtiment de sa part. Ça veut dire que si les gens parmi les musulmans abandonnent le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, le châtiment va tomber sur tous, sans exception. Pas seulement sur ceux qui font le mal en particulier, mais sur tout le monde. Et il nous a informé que le fait de ne pas ordonner le bien et de ne pas interdire le mal, eh bien c'est quelque chose qui empêche les invocations qu'on fait d'être invoquées. Et c'est quelque chose qui fait que les ennemis des musulmans prennent le dessus sur eux, et les gens du mal. Et il nous a informé également que si on abandonne l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, c'est quelque chose qui va mettre dans nos cœurs de la discorde et qui va faire qu'on va être divisé et qu'on va se détester les uns les autres à cause de l'abandon de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Et il a mentionné également, si on abandonne l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, Allah subhanahu wa ta'ala va nous frapper de sa malédiction comme il a maudit, comme les prophètes ont, comme les prophètes de Bani Israël ont maudit Bani Israël à cause du fait qu'ils ont abandonné le fait d'ordonner le bien et l'interdiction du mal, comme c'est mentionné dans le Coran. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ. Ils ont été maudits par la langue de Daoud et d'Isa ibn Maryam parce qu'ils transgressaient, ils ont désobéi, ils transgressaient et ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient les uns les autres. C'est-à-dire quand ils faisaient un mal, ils ne s'interdisaient pas ce mal-là les uns les autres. À cause de ça, ils ont été maudits. Donc les Sahaba, ils ont affronté les bid'ahs à leur époque et les gens de la bid'ah avec dureté. Et ils ont écrasé ces bid'ahs, ils se sont désavoués de ceux qui les ont faites. On a donné des exemples de ça dans les cours précédents. Là, le cheikh, il en mentionne quelques-uns. Il dit que ça, c'est clair pour celui qui réfléchit et qui médite sur les informations qui ont été mentionnées à ce sujet-là. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il dit وَقَدْ كَانَ Ibn Abbas شَدِيدًا عَلَى الْقَدَرِيَّ وَكَذَلِكَ الصَّحَابَ. Donc Ibn Abbas était dur envers les Qadariya, la secte des gens qui nient la prédestination, de même que le reste des Sahaba. وَفَهَذَا عُمَرْ Ibn al-Khattab قَدْ شَجَّ رَأْسَ صَبِيغ Ibn Asal لَمَّا كَانَ يَسْأَلُ عَنِ الْمُتَشَابِهِ فِي الْقُرْآنِ. Donc Omar Ibn al-Khattab, il a blessé la tête de Sabir ibn Asal, il l'a frappé sur la tête jusqu'à ce que le sang tombe sur son visage, parce que il demandait au sujet des versets qui sont équivoques dans le Coran. Et lorsque Omar a entendu ça, il a préparé pour lui des roseaux de palmier pour le frapper. Et quand il est rentré chez Omar, il s'est assis et Omar a dit: qui es-tu? Il a dit: je suis Abdullah Sabir. Et il a dit: moi je suis Abdullah Omar. Et il a commencé à le frapper avec les feuilles de palme, de roseaux, des palmes séchées. Et il l'a frappé jusqu'à ce que il commence à saigner et le sang commence à couler sur sa tête. Il a dit: ça suffit, ya Amir al-Mu'minin, ça suffit. Par Allah, ce que j'avais dans ma tête, il est parti. Et ça, c'est rapporté dans Sharh al-Sunnah de l'imam al-Lalaka'i. Et également, c'est rapporté selon Yahya ibn Ya'mar, il dit que le premier qui a parlé du Qadar dans la ville de Basra, c'était Ma'bad al-Juhani. C'était le premier qui a ramené la bid'a de Qadariya. Et il dit: je suis parti, moi et Humayd ibn Abdurrahman al-Humayri, on est partis tous les deux faire le Hajj ou la Umrah. Puis on s'était dit: on va rencontrer un d'entre les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, sont deux tabi'in, ils disent: on va rencontrer un des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander des questions au sujet de ces gens-là à propos du Qadar. Et il dit: on a eu le succès de rencontrer Abdullah ibn Omar alors qu'il rentrait dans la mosquée. Alors ils se sont mis chacun d'un côté, un qui s'est mis à droite et l'autre s'est mis à gauche de Omar ibn al-Khattab. Et il dit, de Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, ils se sont mis à gauche et à droite de lui et ils ont posé la question. Ils ont dit: ya Aba Abdurrahman, il est apparu dans notre région des gens qui récitent le Coran, ils lisent le Coran. Donc ça veut dire que c'est des gens qui cherchent le ilm et qui parlent de ilm. Et ces gens-là, ils nient le qadar. Ils prétendent qu'il n'y a pas de prédestination et que tout est au hasard, il n'y a pas de prédestination. Alors Ibn Omar radiallahu anhu, il a dit: si je les rencontre, informez-les si vous les rencontrez que je suis innocent d'eux, que je me désavoue d'eux et eux sont innocents de moi. Et il dit: je jure par Allah subhanahu wa ta'ala que si l'un d'entre eux donnait la montagne de Uhud en or, en sadaqa, eh bien Allah n'accepterait rien de cette sadaqa jusqu'à ce qu'ils acceptent de croire en Al-Qadar. Et Samura ibn Jundub radiallahu anhu, il dit qu'il était dur avec les Khawarij et il l'attaquait, les Khawarij l'attaquaient, et lui il était dur envers eux. C'est rapporté dans Al-Isaba de Ibn Hajar. Et il dit que les narrations donc au sujet de la façon dont les Sahaba ont agi envers les gens de Bid'ah, elles sont très nombreuses à ce sujet là il dit que c'est pour cette raison là que il dit l'imam Al-Qudwa, Sheikh Al-Islam Abu Salama Hamad Ibn Salama Al-Basri, qui est mort en l'an 167 Hijri, l'imam Al-Zahabi dit dans sa biographie: قال Sheikh Al-Islam Abu Ismail Al-Ansari في الفاروق له قال أحمد بن حنبل إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدعة. Donc ici l'imam al-Dhahabi il cite dans la biographie de l'imam Abu Salama Hamad ibn Salama, Il donne dans sa biographie, ça c'est un des imams parmi les salafs qui est mort en 167. Il dit à son sujet dans les paroles de Cheikh al-Islam Abu Ismail al-Ansari qui est mentionné dans son livre qui s'appelle Al-Farouq, que l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit: si tu vois un homme qui se moque de Hamad ibn Salama et qui parle en mal de Hamad ibn Salama, alors accuse son islam parce qu'il était dur envers les gens de Bid'a. Hein? Et en note de bas de page, il mentionne, le cheikh, il dit que les salafs, ils considéraient que toute personne qui attaque ou qui critique ou qui insulte, hein, les ulama de la sunna et ceux qui défendent la sunna, ils considéraient que ça c'était un des signes et des caractéristiques des gens de bid'a et des garments. C'est-à-dire que s'ils voyaient quelqu'un qui se moque ou qui insulte ou qui rabaisse ou qui dénigre les gens de la sunna et les ulama d'ahl sunna, ils considéraient que c'était des gens de bid'a et des garments et que c'était un signe de leur égarement. Et il dit, et il est possible même qu'un homme parmi les gens de bid'a, qu'une personne soit considérée parmi les gens de bid'a juste parce qu'il a insulté les ulama de la sunna. Il dit que Abu Zur'a, un des imams parmi les salafs, il a dit: si tu vois une personne de Koufa, de la ville de Koufa, un koufi, qui insulte ou qui critique Soufiane al-Thawri et Zaïda, alors ne doute pas que c'est un rafidi. Et si tu vois un homme de la région de la Syrie qui insulte Makhoul et Al-Awza'i, alors ne doute pas que c'est un Nasibi. Et si tu vois un homme de la ville de Khurasan qui insulte Abdullah ibn al-Mubarak, ne doute pas que c'est un Murji. Et sache que ces groupes-là, hein, tous ces groupes-là, ils sont tous unis. C'est-à-dire les groupes des gens de bid'a qu'on a mentionnés sont tous unis sur la haine de l'imam Ahmad ibn Hanbal. C'est-à-dire ils sont tous d'accord sur le fait de détester l'imam Ahmad ibn Hanbal parce que il n'y a pas quelqu'un, hein, ma min ahadin illa wa fi qalbihi minhu sahm, hein, la bur'ala. C'est-à-dire il n'y en a pas quelqu'un excepté que parmi ces groupes de bid'a, excepté qu'il a reçu une flèche de l'imam Ahmad. Parce que l'imam Ahmad a réfuté tous les gens de bid'a. Hein? Et il ne peut pas guérir de cette flèche-là. Donc, c'est en fait une caractéristique des gens de la sunna. Quand quelqu'un est un grand savant et qu'il est devenu un imam de la sunna, il est connu comme étant quelqu'un qui défend la aqida des salafs et la sunna, et qu'il réfute des innovateurs, des gens de bid'a, eh bien, c'est connu que ces gens-là vont le détester et vont le critiquer. Hein? Et par rapport à la bid'a que ces savants-là ont combattu, les gens ont dit, si tu entends quelqu'un dans telle ville qui critique ou qui attaque tel individu, c'est la preuve que cet individu-là était sur la bid'a que cet imam-là a combattu, puisqu'il le déteste à cause de ça. Il le déteste parce que il a été réfuté par cet imam dans sa bid'a, et donc il le déteste à cause de ça. S'il était sur la sunna, il l'aurait aimé. Et c'est pour ça que un des salafs, Bakr ibn Ayyash, il a dit, quand on lui a posé la question, man is sunni, on lui a posé la question, c'est qui le sunni, c'est qui est sur la sunna, hein? Il a répondu, il a dit, c'est celui que lorsqu'on lui mentionne les passions, les bid'as, il ne se fâchera pour aucune d'entre elles. C'est-à-dire, si tu vas commencer à critiquer devant lui les gens de bid'as, peu importe quelle, hein, et la bid'as, des khawarij, des mu'tazila, des murji'a, des shi'a, de toutes les sortes, des soufiyas, ainsi de suite, des ikhwan et autres, tu vas critiquer tous ces groupes de bid'as devant lui, il ne va pas se fâcher. Au contraire, il est content. Parce qu'il aime que la bid'a soit réfutée. Tandis que le mubtadi', si tu mentionnes ces choses-là devant lui, il va se mettre en colère chaque fois. Hein? C'est comme une fois à Montréal, j'avais fait une khutbah pour avertir contre les bid'a qui sont propagés, puis les gens de bid'a Et après la khutbah, il y a quelqu'un qui est venu, subhanallah, et il commence à me dire, mais comment ça se fait, tu te permets de parler des différentes écoles et des différents sectes et tout. Ça, c'est la diversité de l'islam. Il faut accepter la diversité de l'islam. Hein? Il dit, subhanallah. Il dit, j'ai dit, non, salaf, ils étaient sur une seule et unique religion. Alors, de quelle diversité tu me parles? Hein? Si c'était pas la, si c'est la aqidah que ces gens-là ont, c'est pas la aqidah des salaf, alors c'est pas, ça fait pas partie de l'islam. C'est une innovation. Et il faut le combattre, il faut le détester. Hein? Subhanallah. Et dans la khutbah, je disais comme exemple, comment vous voulez vous unir avec des gens qui insultent Aïcha radiallahu anha, Umm al-Mu'minin, et qui déclarent Abu Bakr, Omar et Othman comme étant des kuffars et des murtaddoun. Comment vous voulez collaborer et vous unir avec ces gens-là et dire qu'on va les excuser dans les choses sur lesquelles on diverge? Et lui, ça l'a mis en colère. Il ne veut pas qu'on critique les gens de Bid'a qui font le takfir des sahaba, qui insultent les mères des croyants. Et ça, c'est juste un exemple parmi les exemples. Allahu al-musta'an. Donc, il dit parce qu'il était dur envers les, donc, Hammad ibn Salama, il était dur envers les gens de Bid'a. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il donne d'autres exemples à propos de ce principe qu'on dit que lorsque tu vois, Nu'aym ibn Hammad, il a dit, si tu vois une personne de l'Irak qui parle contre Ahmad ibn Hanbal, alors accuse-le dans sa religion. Et si tu vois une personne de Basra, un Basri, qui parle contre Wahb ibn Jarir, accuse-le dans sa religion. Et si tu vois Al-Khurasani qui parle contre Ishaq ibn Rahoya, accuse-le dans sa religion. Hein? Et la même chose, il mentionne de Abu Ja'far Muhammad ibn Harun Al-Makhrami, Al-Fallas, il disait, si tu vois un homme qui attaque Ahmad ibn Hanbal, sache que c'est un mubtadi' égaré. Hein? Et Abu Hatim al-Razi, hein, il disait, si tu vois un homme de la ville de, un homme qui de la ville de Ray, je pense que c'est Ray, ceux qui viennent de, ceux qu'on dit qui sont al-Razi, eh bien, si tu les vois, et qui, si tu vois un de ces hommes qui déteste Abu Zur'a, sache que c'est un mubtadi'. Parce que Abu Zur'a, c'est un imam de la Sunna. Et Abu Hatim, il dit également, le signe d'une personne qui fait partie des gens de la Bid'a, c'est qu'il attaque et qu'il insulte les gens de Al-Athar, Ahlul Athar. Et l'imam Abu Uthman al-Sabuni, il dit dans son livre, Aqidatu Salaf wa Ashab al-Hadith, il dit, un des signes de la Bid'a et des gens de Bid'a, hein, qui est apparent, et une de leurs caractéristiques apparentes, c'est l'animosité et la haine qu'ils ont envers ceux qui portent les narrations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le mépris qu'ils ont pour eux et le dénigrement qu'ils leur font. Donc ça, c'est une de leurs caractéristiques. Et l'imam Ibn Abi Daoud, dans sa qasida, dans Al-Ha'iyya, il y a un vers dans cette, hein, dans cette aqida qu'il dit, وَلَا تَكُمْ مِنْ قَوْمٍ تَلَهَّوْ بِدِينِهِمْ فَتَطْعَنُوا فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَتَقْدَحُوا. Il dit, ne sois pas parmi des gens qui ont pris leur religion pour un jeu, pour un divertissement, et qui, hein, et donc qui insultent ou qui attaquent les gens du hadith. Ne sois pas parmi ces gens-là. Donc il met en garde contre les gens de Bid'a, et que ça, c'est une de leurs caractéristiques. L'imam al-Safarini, la même chose. Hein? Il mentionne dans son livre, Lawa'ih al-Anwar, il dit, on ne va pas mentionner les qualités des gens du hadith, hein, et leurs caractéristiques de louables qui sont connues, qui sont célèbres, et leurs effets positifs qui sont nombreux, et leurs mérites. Hein, c'est pas ça qu'on veut expliquer maintenant. Mais sachez que celui qui les rabaisse et qui les diminue ou qui les dénigre, que c'est une personne qui est minable. Et parmi les plus détestables d'entre les gens, hein, parmi le parti de Iblis. Donc ça, c'est les exemples comment les gens, comment les ulama considéraient que quelqu'un qui insulte les gens de la sunna comme étant des gens de bid'a automatiquement. Et il dit, wa qala Ibn Hibban a dit à propos de Hamad ibn Salama, il dit, personne n'allait le parler contre lui excepté un Mu'tazili ou un Jahmi à cause de ce qu'il montrait des hadiths authentiques et de la sunna authentique. Donc il le détestait à cause de ça. Et donc ça, si quelqu'un l'attaque, c'est la preuve que c'est un Mu'tazili. L'imam al-Zahabi, il disait, et il était, en plus d'être un imam dans le hadith, hein, il était également un imam dans la langue arabe classique et une des têtes dans la sunna, quelqu'un qui avait de nombreux ouvrages. Ça c'est rapporté dans Siyar al-Alam al-Nubala. Également l'imam Bilal ibn Abi Burda, qui est mort en l'an 120 et quelques, il a rapporté de Ibn Asakir avec sa chaîne de transmission selon Mujahid. Il dit, puis ensuite il parle de Khalid ibn Abdullah al-Qasri. Il dit qu'il a pris l'Irak. Khalid ibn Abdullah al-Qasri, c'est qui? C'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure qui a égorgé Ja'ad ibn Dirham après, pour la prière de Eid. Hein? Il l'a sacrifié à cause qu'il a nié les attributs d'Allah. Donc ça te montre la dureté qu'il avait sur la sunna et la dureté qu'il avait contre les gens de bid'a. Il dit, وَكَانَ عَلَى شُرْطَتِهِ بِوَاسِطْ عُمَرْ إِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَكَمِ. Donc il avait mis comme chef de police Khalid al-Qasri. Il a mis dans la région de l'Irak comme policier, chef de la police, Omar ibn Abdullah al-Hakami. Et il a employé Bilal ibn Abi Burda. Bilal ibn Abi Burda, qui était un savant, il l'a employé pour être en charge, comme juge et comme enseignant et comme quelqu'un qui dirige la prière et ainsi de suite. Et il dit à son sujet, il dit, « وَكَانَ بِلَالِ ibn Abi Burda شَدِيدًا عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ. » Il était dur envers les gens de bid'a. Al-Qadi Shariq ibn Abdullah al-Nakha'i, qui était de la ville de Kufa et qui est mort en 177, il dit que Muawiyah ibn Salih al-Ashmari a dit, « J'ai demandé à Ahmad ibn Hanbal à propos de Shariq. » Shariq ibn Abdullah al-Nakha'i. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il était une personne posée, raisonnable, sincère, véridique, et un savant de hadith. Et il était dur envers les gens du doute et de la bid'a. Kana shadidan ala ahli al-raybi wal-bid'a. Donc l'imam Ahmad, il mentionne ça à son sujet pour dire que c'était parmi ses qualités. Et ça, c'est rapporté dans Siyar al-Alam al-Nubala. À propos de Shariq ibn Abdullah, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa qala anhu al-Hafiz ibn Hajar kana adilan fadilan shadidan ala ahli al-bid'ah. L'imam ibn Hajar al-Asqalani, il dit à propos de Shariq ibn Abdullah al-Nakha'i al-Kufi, c'était une personne qui était juste, qui était une personne de mérite, et qui était dur envers les gens de bid'ah. Et parmi ces paroles, rahimahullah, la an yakuna fi kulli qabilatin himarun ahabbu ilayya min an yakuna fiha rajulun min ashabi bani fulan rajulun kana mubtadi'an. Donc on a une des paroles de Shariq ibn Abdullah Nakha'i, c'est quoi? C'est que il a dit, je préfère qu'il y ait dans chaque tribu un âne que de savoir qu'il y ait dans chaque tribu un homme parmi les compagnons de Abi Fulan qui était un homme parmi les Mubtadi'a. Je préfère que ce soit un âne que ce soit un Mubtadi'a. Et il dit également l'imam Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj, qui est mort en l'an 117 Hijri. L'imam Abdurrahman ibn Qasim et l'imam Abdurrahman ibn Qasim, qui est mort en 126. L'imam Malik, les deux ont rapporté selon l'imam Malik que Ibn Hurmuz, il parlait peu. Et il était dur envers les gens de Bid'a. Et il était le plus savant au sujet des choses qu'ils avaient comme divergence. Et de même que Abdurrahman ibn al-Qasim. Donc il parle de, l'imam Malik parle de lui en disant qu'il était dur envers les gens de Bid'a et que ça c'est une de ses qualités. قال أبو الصلت عبد السلام ابن صالح الهروي في ترجمة إبراهيم ابن طهمان qui est mort en 163 كان شديدا على الجهمية. Il était dur avec les Jahmiya. L'imam de Dar al-Hijra, Malik ibn Anas, qui est mort en 179, rahimahullah, il disait, ne donnez pas le salam aux gens de la passion, c'est-à-dire aux gens de Bid'a. Tu leur dis pas le salam. Et tu t'assois pas avec eux. Ne vous assoyez pas avec eux. Hein? Sauf si c'est pour les réfuter, pour être, leur montrer la dureté. Et ne visitez pas leurs malades. Ne visitez pas leurs malades. Et ne rapportez pas de hadith d'eux. Hein? Si tu vas dire ça à certains aujourd'hui, parmi les musulmans, ils vont dire non, ça c'est pas correct, c'est un mauvais comportement. Il faut avoir le bon comportement dans l'islam. Il faut visiter les malades, donner le salam. Hein? Les salafs, ils ne donnaient pas le salam aux gens de Bid'a. Et ils n'allaient pas les visiter quand ils sont malades. Hein? Et ils ne rapportaient pas leur hadith. Il y en a un qui a mentionné, il y a un des frères qui mentionnait l'histoire d'un parmi les salafs justement. Quand un mubtada est mort, ils sont partis à son enterrement. Et puis, il n'y a personne qui était parti à son enterrement. Quand un mubtada est mort, personne n'est parti à son enterrement. Mais lui, il est parti à son enterrement. Alors, quand il est revenu, les gens ont dit, où est-ce que tu étais? Il a dit, j'étais à l'enterrement d'un tel parmi les mubtadi'a. Hein? Il a dit, j'étais à l'enterrement d'un tel. Alors les gens ont dit, subhanallah, comment tu peux aller dans l'enterrement de cet innovateur? Et là, il explique, il dit, je suis allé pas pour faire des doigts pour lui, je suis allé pour faire des doigts contre lui. Et là, les gens ont commencé à lire, ont commencé à rire quand il s'est excusé en mentionnant ça, et les gens ont commencé à rire parce qu'ils étaient fâchés contre lui. Ils ont dit, mais comment tu peux aller dans la janaza d'un égaré comme ça, quelqu'un qui appelle à l'égarement, hein? Donc c'est pas juste quelqu'un on dit aujourd'hui, ah mais il est musulman, c'est un musulman, il fait du bien, il parle de l'islam, hein? Oui, mais il parle de l'islam, mais il appelle à l'égarement en même temps. Donc ça c'est dangereux, hein? Et c'est pour ça les salafs ils agissaient comme ça avec eux. Il dit, وقال أيضا لا تجالس القدري ولا تكلمه إلا أن تجلس إليه فتغلظ عليه. Hein? Il dit, ne t'assois pas avec le qadari et ne lui parle pas, excepté si tu vas être rude avec lui et dur avec lui. À cause de la parole d'Allah dans le Coran, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Donc l'imam Malik il dit, à cause de la parole d'Allah, lorsque Allah dit, tu ne trouveras pas des gens qui croient à Allah et au jour dernier qui aiment ceux qui opposent Allah et son messager. Et donc vous ne devez pas les aimer. Hein? Ça c'est l'imam Malik. Maintenant l'imam Shafi'i rahimahullah, qui est mort en l'an 204, la même chose. Il était dur envers les gens de Bid'a. L'imam al-Bayhaqi, il dit, كان رحمه الله شديدا على أهل الإلحاد وأهل البدع مجاهرا ببغضهم وهجرهم. Donc l'imam al-Shafi'i رحمه الله, il dit, l'imam al-Bayhaqi à son sujet, dans son livre Manaqib al-Shafi'i, il dit, il était dur envers les gens de la déviation et de la bid'a. Et il montrait ouvertement sa haine pour eux. et le fait de s'écarter d'eux. Hein? Et également, Cheikh Omar ibn Haroun al-Balkhi, qui est mort en 194, il dit, « فَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَحْمَدْ ابْنُ حُسَيْنِ قَالْ أنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال عمر بن هارون البلخي أبو حفص الثقفي مولاهم كان من أهل السنة ومن الذابين عن أهلها قال أبو رجاء قتيبة بن سعيد كان عمر بن هارون شديدا على المرجئة وكان يذكر مساوئهم وبلاياهم. Donc il dit à propos du Cheikh Omar ibn Haroun al-Balkhi, Abu Abdullah al-Hafiz, il nous a rapporté, en fait c'est Abu Bakr ibn Ahmad ibn Hussein, il dit que Abu Abdullah al-Hafiz nous a rapporté, il a dit Omar ibn Haroun al-Balkhi, Abu Hafs al-Thaqafi fait partie des gens de Ahl al-Sunnah qui défendent la Sunna et les gens de la Sunna. Et Abu Raja Qutayba ibn Sa'id, il disait à propos de Omar ibn Haroun qu'il était dur envers les Murji'a. Et il mentionnait leurs défauts et leurs malheurs. C'est-à-dire les choses qu'ils avaient qui étaient mauvaises et qu'ils faisaient qui étaient contraires à l'islam. Dans Tariq Dimashq. Wa hadha l'imam Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya al-Buwayti, sahib l'imam al-Shafi'i. Donc, il est mort en 231 Hijri. C'est le compagnon de l'imam al-Shafi'i. Un des compagnons de l'imam al-Shafi'i, Abu Ya'qub Yusuf ibn Yahya al-Buwayti. On a dit dans sa biographie, « Innahu kana shadidan ala ahli al-bid'ah ». Il était dur envers les gens de Bid'ah. Dans Tabyin Kazib al-Muftari de Ibn Asakir. Également, il dit l'imam Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad al-Fizari, qui est mort en l'an 185 de la Hijra, il dit, al-Ajli, il dit à son sujet, « Kana thiqatan sahib sunna salihan, wa huwa alladhi addaba ahl al-thagar » أهل الثغر وعلمهم السنة وكان يأمر وينهى وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه وكان كثير الحديث له فقه. Donc إسحاق ابن أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد الفرازي أو الفزاري pardon رحمه الله العجلي il a dit à son sujet qu'il était fiable, ثقة, hein, qu'il était une personne qui était sur la sunna, qui était pieuse et vertueuse. Et il dit que c'est lui qui a éduqué les gens des frontières. Ahl al-Thughr. Les frontières, c'est-à-dire les endroits où les limites des pays musulmans arrivent. Parce qu'à l'époque, les salafs, ils faisaient le djihad et ils faisaient l'expansion des territoires des musulmans. Et ils arrivaient à une région, donc ils établissaient une frontière pour protéger contre les ennemis. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il a enseigné aux gens de ces frontières-là la sunna. Quand il arrivait quelque part, ils enseignaient à ces gens-là. Si ces gens-là acceptaient l'islam, après il leur enseignait. Et il leur enseignait la sunna. Et il avait l'ordre, c'est-à-dire il pouvait ordonner et interdire, c'est-à-dire il avait une autorité. Et lorsque quelqu'un parmi les Mubtadi'a rentrait dans cette région-là de la frontière, eh bien il l'expulsait. Il le faisait expulser. Pourquoi? Parce que c'est dans ces frontières-là, ceux qui vont être dans cette région-là, c'est eux qui vont par la suite partir pour aller pour continuer l'expansion des terres de l'islam. Et donc, si ces gens-là sont sur la bid'ah, ou s'il y a parmi eux un muqtadir, eh bien, ça veut dire qu'il va partir et il va enseigner aux autres la bid'ah par la suite. Et ceux qui sont à la frontière vont être influencés par ce muqtadir et ils vont par la suite être sur la bid'ah. Donc, aussitôt qu'ils sentaient qu'il y avait un mubtadi parmi eux, ils les expulsaient. Ils expulsaient les gens de bid'ah. Et il avait beaucoup de hadith et de fiqh. Il dit, وقال أبو مسهر قدم أبو إسحاق الفزاري دمشق. Donc, il dit, Abu Mizhar, que Abu Ishaq al-Fizari est venu à Dimashq. Et les gens se sont réunis pour l'écouter. Hein? Faqal, donc il a dit, sortez, allez là où il y a les gens, et dites-leur, toute personne qui a l'opinion des Qadar, dans le Qadar, l'opinion des Qadariyas, ceux qui nient la prédestination, alors, hein, qu'il ne s'approche pas de nos assises ou de nos lieux de rassemblement et de réunion. Et il avait l'opinion, et toute personne qui a l'opinion d'un tel, parmi les gens de Bid'ah, alors qu'il ne vienne pas s'asseoir là où les gens se réunissent. Hein? Alors il dit, je suis sorti et je suis allé informer les gens de ce qu'il nous a dit. Donc ça c'est ce qu'il a fait, cet imam Abu Ishaq. Il rentrait. Quand il est rentré, il a dit aux gens, allez dire ça aux gens, que s'il y a un mubtadi parmi les qadariyas ou parmi les autres gens de bid'ah qui viennent pour s'asseoir avec les gens, hein, dites-leur de ne pas venir s'asseoir avec eux. قال الذهبي في ترجمته رحمه الله للعلامة فقيه المغرب أبو سعيد عبد السلام ابن حبيب التنوخي القيرواني المالكي صاحب المدونة المعروف بالسحنون qui est mort en l'an 240. Donc ça, c'est un des grands savants du Maghreb, hein, parmi les ulama qui étaient sur la salafia et sur la aqidah des salafs. Comme on le retrouve, sa biographie dans Sira Alam al-Nubala, il a dit, j'ai lu dans Tariq al-Qayrawan, j'ai lu dans l'histoire de al-Qayrawan, de Abu Bakr ibn Muhammad, Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad al-Maliki, il a dit, que Abu al-Arab a dit, ijtama'at fi sahnun, il dit, on a réuni, ou se sont réunis en la personne de sahnun, plusieurs caractéristiques qu'on peut rarement trouver en quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'en la personne de sahnun, on a vu réunis des qualités et des caractéristiques qu'on a rarement vu réunis chez quelqu'un. Le fiqh, al-fiqh al-bari, il avait une grande compréhension. Al-war' al-sadiq, il était très pieux, hein, il s'écartait des doutes, des choses douteuses. Al-sarama fil-haq, c'est une personne qui était, hein, très directe et claire dans la vérité. Al-zahada fil-dunya, il s'écarte des choses de la dunya et des choses haram. Les plaisirs illicites, des choses de ce genre. At-takhashshun fil malbas wal mat'am. Donc il était très modeste dans son habillement et dans sa nourriture. Was-samaha, il était très modéré, tolérant, hein. Et des fois il était généreux. Des fois il donnait à ses frères jusqu'à 30 dinars, hein, pour les aider. Et il n'acceptait rien de personne. Et il n'avait pas peur de dire la vérité, même devant un dirigeant. Et il était dur contre les gens de bid'ah. Shadidan ala ahli al-bid'ah. Et son imam, le fait qu'il est imam, ça s'est propagé partout. Et tout le monde était d'accord sur le fait que c'était un homme de mérite. Donc ça, c'est un des grands exemples des ulama du nord de l'Afrique qui était sur la salafia et sur la sunna et qui était dur envers les gens de bid'ah. Il dit, وكذلك عبد الله ابن ابي حسان الحصيبي. Faut savoir que les ulama ont mentionné dans l'histoire que tous les grands ulama qui ont été dans le Maghreb et dans l'Andalousie, à la base, au début, ils ont tous été sur la aqidah des salafs, la aqidah de l'imam Malik. Hein, et la aqidah de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, ils étaient tous sur la aqidah des salafs et ils affirmaient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis c'est des gens qui sont venus par la suite qui ont ramené la aqidah des Asha'ira, et la bid'a des soufis par la suite parmi eux, puis qui les ont corrompus. Parmi eux, ceux qui ont été à la cause de ça, il y avait Ibn Tumart, hein, et d'autres également, et c'est eux qui ont ramené les bid'a de ces gens de Kalam et de d'autres catégories de bid'a dans cette région-là du monde. Sinon, sinon avant ça, ils étaient tous sur la aqida des salafs, et le manhaj des salafs, et le madhab, et la aqida de l'imam Malik ibn Anas, hein, imam Moudar al-Hijra. Donc, ensuite, il dit le Cheikh, وكذلك عبد الله ابن أبي حسان الهذيبي قال ابن فرحون في ترجمته كان جوادا جوادا مفوها قويا على المناظرة ذابا عن السنة متبعا لمذهب مالك شديدا على أهل البدع. Donc, un autre imam parmi les imams de Malikiya qui suivait le madhhab de l'imam Malik, qui est mort en 226. Son nom c'est Abdullah ibn Abi Hassan al-Husaybi ou al-Yahsabi. Yahsabi. Et ça a été rapporté dans sa biographie que Ibn Farhoun a dit à son sujet qu'il était une personne généreuse, qui était forte dans les débats et dans les argumentations. Quand elle débattait, elle argumentait avec force. Elle défendait la sunna, c'est une personne qui défendait la sunna, qui suivait le madhab de l'imam Malik et qui était dur contre les gens de bid'a. Les gens aujourd'hui, vous allez trouver des fois des gens parmi les gens de bid'a, ils vous disent moi je suis maliki, ou moi je suis shafi'i, ou moi je suis hanbali, ou moi je suis shafi'i, ou bien hanafi, ou des choses comme ça. Ils disent je suis les quatre écoles sunnites, ils prétendent ça. La réalité, c'est que les choses qu'ils suivent aujourd'hui n'ont rien à voir avec les bases que suivaient les imams de ces quatre madhahib. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé après ces quatre imams? C'est que certains qui se sont affiliés ou attribués ce madhahib n'ont pas respecté et suivi les mêmes fondements que ces imams-là avaient. Hein? De la même manière que vous allez trouver, par exemple, des gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, et pourtant ils n'ont rien à voir avec la aqida de Isa ibn Maryam. Hein? Et ils sont dans le shirk et ils opposent le tawhid, contrairement à Isa, alayhi salam. Et la même chose pour ceux qui se disent juifs aujourd'hui, et qui prétendent suivre Moussa, alayhi salam, et qui suivent une autre religion complètement différente que Moussa, alayhi salam. Hein? Eh bien, parmi les musulmans, il y en a qui se disent musulmans, et pourtant ils suivent autre que la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, la même chose parmi les imams d'Ahl Sunna, des gens qui prétendent suivre ces madahib, ils prétendent être Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali, et pourtant, ils opposent ces imams-là dans leur fondement, et dans leur aqidah, et dans leur fiqh, et dans leur manhaj. Donc, c'est seulement des paroles qu'ils disent. Et on a lu les paroles des imams, Ahmad, et Shafi'i, et Abu Hanifa, et l'imam Malik. Ils étaient tous durs contre les gens de bid'ah. Ils affirmaient les attributs d'Allah. Ils réfutaient ceux qui nient les attributs d'Allah. Et ainsi de suite. Et ceux qui ont suivi ces imams-là, parmi eux au début, parmi leurs compagnons ou leurs élèves, ils étaient sur cette voie-là. Mais par la suite, d'autres sont arrivés et ils essaient d'utiliser les madhabs de ces imams pour se cacher, pour se donner une crédibilité, pour faire croire aux gens, regardez, nous on est maliki, nous on est chef et on suit des grands imams de la sunna, hein? Alors que la réalité c'est pas vrai, ils n'ont rien de ces imams là, hein? Et vous allez voir souvent comme ça les ahbash, hein? Ou bien certains autres parmi les Asha'ira, Jan Bid'a par exemple, qui sont des soufis, ou qui ont des tendances de souf, de tasawuf, et qui sont sur la aqida des Asha'ira, puis qui ne sont pas des Ahbash, mais qui sont sur la même tendance que les Ahbash. Soit ils ont étudié Al-Azhar, ou ils ont étudié dans d'autres écoles parmi les écoles des soufis, et ils ramènent ces shubuhat. Que nous on est là, on est sur la sunna parce qu'on suit les quatre imams des madahib, hein. Et il faut savoir que les quatre imams des madahib sont innocents de ce que ces gens-là croient ou ramènent dans leur compréhension de l'islam. Le Cheikh il dit wakadalika, donc l'imam al-Darimi. L'imam al-Darimi également fait partie des grands imams des salaf. Et il dit, Ibn Hibban dit à son sujet que l'imam al-Darimi fait partie des mémorisateurs de la sunna, des gens qui maîtrisaient la sunna, des gens qui avaient la piété et la religion et la mémorisation, hein, et qui avait une grande compréhension, qui avait écrit de grands ouvrages dans l'islam, hein, et qui ont rapporté le hadith, et qui ont montré, qui ont fait paraître la sunna dans leur pays, hein, et qui ont appelé les gens à la sunna, et qui ont défendu la sunna, hein, et qui ont écrasé ceux qui l'opposaient. L'imam al-Zahabi dit au sujet de l'imam al-Darimi, « Kana lahjan bis sunna, basiran bil munadara » Donc l'imam al-Darimi, hein, c'est une personne qui parlait par la sunna et qui était très intelligent, qui avait une grande compréhension et qui savait argumenter et qui était comme une épine dans les yeux des gens de bid'ah. Hein? Ça c'est dans Siyar. Et il dit, et c'est lui également qui a réfuté Muhammad ibn Kurram, celui à qui on attribue la secte des Kurramiyya, et il l'a fait chasser de la région de Harrat, la ville de Harrat. Il l'a expulsé de cette ville, comme on dit. Hein? Et il dit, et également, on a rapporté dans la biographie de Ismail ibn Ishaq al-Qadi. On dit à son sujet, il est mort en 282. On dit à son sujet qu'il était dur envers les gens de bid'ah, hein, et il considérait qu'il fallait leur demander de se repentir, les appeler à se repentir. Et il dit ensuite, et le قال القاضي عياض في ترجمة الإمام أبي يوسف جبلة Ibn Hamoud al-Sadafi, parmi les élèves de Sahnoun, qui est mort en 299, donc on mentionne à son sujet la dureté qu'il avait contre les gens de Bid'a, et comment il s'écartait d'eux, et comment il était fort dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il était dur dans, hein, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faisait aucun compromis pour personne. Et il n'essayait de faire plaisir à personne dans ces choses-là. Hein? Et il n'y a personne qui était plus fort dans la lutte contre les Rafidah et les Shia que lui. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé d'eux. Et il critiquait des gens qui avaient quitté Al-Qayrawan, qui était parti vers les régions des frontières, des limites des terres de l'islam, hein, avec probablement des innovations, des choses de ce genre. Et il disait au sujet de ceux-là que de faire le djihad contre eux, c'était mieux que de faire le djihad contre les gens de shirk. Hein? Parce que les ulama, ils ont dit, et ils ont toujours expliqué, même l'imam Ahmad, il l'a dit, et d'autres l'ont dit après lui aussi, que de lutter contre les gens de bid'ah, ça fait partie du djihad. Ça fait partie du djihad, fissabilillah. Et vous l'avez sûrement entendu, et le cheikh, il le cite, que le fait de... Qu'est-ce qui est mieux? Quand on a demandé à l'imam Ahmad, qu'est-ce qui est mieux? De faire la prière et de faire le jeûne? De faire la prière la nuit ou de faire le jeûne? Ou bien de répondre et de réfuter aux gens de bid'ah. Il a dit, si tu fais la prière et le jeûne, c'est pour toi. Mais si tu réfutes les gens de bid'ah, ça c'est un bien pour tous les musulmans. Donc c'est meilleur. Hein? Donc ça c'est un exemple. Il dit aussi à propos de Abu Ja'far, Muhammad ibn al-Abbas ibn Ayyub al-Akhram, qui est mort en 301. كان متعصبا للسنة غليظا على أهل البدع. C'était quelqu'un qui était fortement accroché à la sunna et qui était rude envers les gens de la bid'ah. وكان إمام أهل السنة في عصره أبو محمد الحسين ابن علي ابن خلف البربهاري ها؟ قال الذهبي كان قوالا بالحق. Donc l'imam de la sunna à son époque, l'imam al-Barbahari, qui est mort en 329, l'imam al-Zahabi a dit à son sujet, c'est une personne qui disait toujours la vérité. Hein, qui était toujours en train de faire connaître aux gens et d'appeler à la vérité, de dire la vérité, et qui appelait les gens au hadith et à aux narrations, et il ne craignait le blâme de personne en Allah subhanahu wa ta'ala, ne craignait le blâme d'aucune personne quand ça concerne la question de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Kathir, il dit à propos de lui que c'était un grand imam, un grand faqih, une personne qui était détachée de la dunya, qui faisait des exhortations aux gens, qui était le compagnon de l'imam al-Marwazi et de Sahlan al-Tusturi et d'autres parmi les imams, et il était dur envers les gens de bid'a et de péché, et il était très grand. Il avait une très grande capacité, et tout le monde le respectait. Parmi les grands, et parmi les ulama, et les dirigeants, et autres, et parmi les gens du commun. Tout le monde le respectait, de façon générale. Tayyib khair, inshallah. Donc, je vais terminer quelques autres citations, puis on va s'arrêter, inshallah. Il dit ensuite, et la parole de l'imam Ibn Kathir est rapportée dans son livre, Al-Bidayah wa Nihaya. Et Ibn Rajab, il dit à son sujet que c'était le cheikh de son époque, et celui qui était à l'avant dans son époque dans la dénonciation des gens de Bid'a et dans le fait de se détacher d'eux et de se distinguer d'eux et de parler contre eux et de se désavouer d'eux par la main et par la langue, dans Tabaqat al-Hanabila. Il dit l'imam al-Barbahari, il a beaucoup lutté et il a eu des positions ou des situations, comment je pourrais dire, il a eu à confronter, disons, certaines choses durant sa vie par rapport aux gens de Bid'a et par rapport aux gens qui l'ont contredit, qui ont contredit la Sunna, et il a été dur envers eux. Et à cause de ça, les gens de Bid'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le dirigeant pour essayer de mettre la haine contre lui. C'est-à-dire, ils sont allés voir le dirigeant pour parler contre l'imam al-Barbahari, pour que le dirigeant le déteste et pour qu'il soit contre lui. Et c'est pour ça que une grande partie de sa vie, l'imam al-Barbahari était, il se cachait à cause de ça. Parce que les gens de Bid'a, c'est ce qu'ils font souvent parce qu'ils ne peuvent pas affronter les gens de la Sunna de face. Et ils ne peuvent pas repousser ou détruire la vérité. Donc, ils utilisent des ruses, et parmi les ruses qu'ils utilisent, c'est d'aller voir les responsables, les dirigeants, puis de leur parler en mal des gens de la vérité pour leur donner des problèmes et pour faire en sorte qu'ils arrêtent de propager la vérité qu'ils propagent. Comme ce que font aujourd'hui les gens de Bid'a avec les gens qui appellent à la salafie et à la sunna, et qui vont voir les responsables, même parfois ils vont voir les kuffars, soit les médias ou bien les dirigeants et les responsables, les maires des villes et des choses comme ça, ils vont les voir, ou même ils vont voir les gens qui sont responsables des services de renseignement ou des choses comme ça, ils vont voir ces gens-là, ils vont dire contre les salafis des mensonges. Et ils vont les accuser de choses dont ils sont innocents pour leur faire avoir des problèmes, pour qu'ils ne soient plus capables de faire la da'wah à l'islam et à la sunna. Et ils ont fait ça à l'époque de l'imam Ahmad, ils ont fait ça à l'époque de l'imam Ibn Taymiyyah, et c'est pour ça que l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a terminé sa vie en prison. Il est mort en prison à cause des gens de Bid'a qui ont parlé contre lui aux dirigeants pour faire croire aux dirigeants que l'imam Ahmad, il faisait du désordre, il contredisait la Aqida de Ahlus Sunnah, il mentait contre lui. Parce que eux, c'était des Asha'ira, c'était des Soufis, hein, c'était des gens de Bid'a. Et Ibn Taymiyyah les massacrait, hein, il les réfutait avec les preuves du Coran et de la Sunna et des paroles des salafs. Eux, ils ne pouvaient plus supporter ça, alors ils allaient, hein, utiliser cette ruse-là, de parler contre eux aux responsables. Encore un autre point, le cheikh il dit, parmi ces paroles, rahimahullah, au sujet des gens de Bid'a, il dit, l'imam al-Barbahari, il dit, les gens de Bid'a sont comme des scorpions. Ils rentrent leur corps et ils rentrent leur tête et leur corps sous le sable et ils laissent sortir leur queue. Et lorsqu'ils ont la capacité, ou lorsqu'ils sont capables, ils piquent la personne. Hein? Et il dit, ça c'est la même chose que les gens de Bid'a, ils se cachent parmi les gens. Puis lorsqu'ils arrivent à le faire, ils commencent à propager leur Bid'a à qui ils veulent. Donc ça c'est un exemple que l'imam al-Barbahari donne pour nous faire comprendre le danger des gens de Bid'a et comment ça nous montre en même temps comment il était envers les gens de Bid'a. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et en même temps je voulais juste dire par rapport à l'imam al-Barbahari et à son livre Sharh al-Sunnah, qui est connu, qui est publié, qui a même été expliqué par des ulama de Ahl Sunnah de notre époque, comme l'imam Ahmed al-Najmi, Cheikh Ahmed al-Najmi et Cheikh Salih al-Fawzan, qui ont fait des charhs, qui ont écrit des clarifications et des explications de ce livre de la Sunnah. Et donc je conseille à tous les frères qui peuvent lire l'arabe de lire ce livre Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari avec le Sharh de Cheikh Ahmed al-Najmi ou bien le Sharh de Cheikh Salih al-Fawzan. Et s'ils ne comprennent pas encore l'arabe, eh bien il y a une traduction que j'ai faite du livre de Cheikh Salih al-Fawzan du Sharh de l'imam al-Barbahari. Elle est disponible donc sur le site si vous voulez. Je pense que c'est soixantaine de cours, donc vous pouvez les écouter inshallah, puis vous allez apprendre certains points à propos du manhaj des salafs et de la aqidah des salafs comme l'imam al-Barbahari. Donc on va s'arrêter ici inshallah pour ce cours, puis on continuera la suite à la prochaine session demain, inshallah. Pardon, 18h30, inshallah, demain. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.